Moi, j'irai avec ça. Mais pour faire cette stratégie-là, pour regarder le parti qui a le plus de chances de battre Pauline, je dois me fier à quelque chose. C'est là qu'arrivent les sondages. Mais non, peux-tu arriver puis dire aux gens, votez caquiste, faites de quoi, là? Vous êtes déçus des libéraux que vous avez, on a sorti la dernière fois, on a donné un gouvernement minoritaire qui est péquiste, on n'est pas content encore. On peut-tu se rallier puis se dire, ben, donne une chance à la CAQ? Moi, oui. Mais le problème de la CAQ, c'est que jamais sur l'île de Montréal, ils vont faire élire un député en raison des médias biaisés. Il n'y a rien à faire. À Québec, tout le monde a des chances. On a voté NPD, Bloc, Libéral. Tout le monde a ses chances à Québec. Oui, il y a des radios plus à droite. Moi, je suis plus à droite un peu. Il n'y a pas de radio à droite, mais il y a des animateurs plus à droite comme il y a des animateurs plus à gauche. Radio-Canada au complet est à gauche. Ils n'ont pas de leçon de rigueur à donner à personne. Ils sont gauchistes à la grandeur. La radio privée, il y a de la droite, il y a du centre, il y a un peu de gauche. Ça dépend. Mais tu sais, tu as des chances ici. À Montréal, les médias sont systématiquement presque tous gauchistes. Donc, ouais. La CAQ a pas de chance. T'en as pas. Donc, je vois pas comment François Legault peut prendre le pouvoir. Je suis bien sympathique, Mario, mais il gagnera pas. Non, je suis d'accord. Voter pour la CAQ, si Pauline Marois m'entend un matin, puis elle m'entend dire « je vais voter CAQ », je le sais qu'elle est contente, puis je veux pas qu'elle soit contente. C'est pas que je l'haïs, c'est pas personnel. Je veux y enlever son sourire de la face. Qu'elle a ces temps-ci avec la chape puis tous ces millions qu'elle dépense, elle sait qu'elle est en train de se diriger vers le pouvoir absolu. Comme je suis pas d'accord avec elle, je veux pas qu'elle soit heureuse. Et en votant à CAQ, elle a fait excellent. Divisez-vous la petite opposition. La moitié libérale, la moitié CAQ m'a passé au travers, puis je vais avoir mon trône. Fait que là, non. T'es encore en train de me dire que c'est la faute de Montréal. Le commentaire de Jean Lapierre. Une présentation de l'Allié Honda Sainte-Foy. Tombé sous le charme du...